بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله. Aujourd'hui, le lundi 8 Dhul-Qa'da de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 29 juin 2020. Nous nous retrouvons, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour poursuivre ensemble notre étude de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam à partir du livre de l'imam Ismail ibn Kathir rahimahullah, qui est décédé en l'an 774 de l'Hégire. Son livre s'appelle Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Dans le dernier cours, le dernier point qu'on avait abordé, après avoir cité les différents lieux auxquels s'est rendu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons parlé de tous ceux de qui il a entendu alayhi salatu wassalam. Et nous avons vu qu'il a entendu tout d'abord d'Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire dans le cadre de son ascension vers les cieux en compagnie de Jibril alayhi salam sur cette monture qui s'appelle Al-Buraq. Et c'est dans cette nuit que la salat a été prescrite, 50 au début. Après, Nabi Isa alayhi salam n'a cessé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala l'allègement avec la recommandation de Moussa alayhi salam qui lui demandait de faire cela et de demander à Allah un allègement et lui disait que lui, il a demandé à son peuple, les juifs, moins que ça, ils n'ont pas pu les respecter. Et le Nabi alayhi salam n'a cessé de demander à Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il a été gêné de le faire, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a allégé à 5 salawats quotidiennes seulement, avec la récompense de 50 salats. La récompense est restée la même, et l'allègement n'a eu lieu que dans le nombre de salawat. Alhamdulillah pour sa ni'ma immense. Et également, yani, on a vu que Nabi Isa alayhi salam, il entendait souvent, yani, Jibril alayhi salam, car c'était lui l'intermédiaire qui descendait avec la révélation de la part d'Allah. Et c'est lui qui l'entendait alayhi salatu wassalam. Excepté dans cette fois où Nabi Isa alayhi salam a entendu Allah subhanahu wa ta'ala directement sans intermédiaire. Il a rencontré les différents prophètes, il a entendu d'eux, il a parlé avec eux également, et nous avons vu qu'il a vu le gardien du paradis et de l'enfer, et d'autres anges, comme on a vu, comme celui, l'ange des montagnes, qui est venu avec une mission de la part d'Allah, et il a dit au prophète que si il lui donne l'ordre, il écraserait les gens de Mecca entre les deux montagnes de Mecca. Cet ange qui est descendu avec les deux versets de Sourate Al-Baqarah, et ainsi de suite. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé dans un autre chapitre de ceux qui ont entendu du prophète alayhi salatu wassalam, à commencer par ses nobles compagnons, radiyallahu anhum tous, que ce soit à Mecca ou à Médine, ou dans d'autres pays dans lesquels il s'est rendu, alayhi salatu wa salam, quand il sortait dans ses expéditions militaires et dans le cadre des batailles qu'il a menées, alayhi salatu wa salam, pour faire triompher la vérité, il a parlé avec beaucoup de gens dans ces endroits-là, à chaque fois. À Arafat, à Mina, dans le cadre du pèlerinage, au début de l'islam. Et ça, on l'a vu également. Et ceux qui ont, parmi ceux qui ont entendu de lui, alayhi salatu wa salam, al-jinn, comme ceci est rapporté dans le Coran. Ils l'ont entendu réciter le Coran à ses compagnons dans le grand marché de Ukav, et ils sont venus lui demander des choses au sujet du Coran. Il est resté avec eux une nuit. Il était accompagné de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, le grand compagnon. Mais le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a tracé un cercle. Il lui a dit de rester dedans et de ne pas sortir de ce cercle pour qu'il ne soit pas touché par un malheur. Effectivement. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a passé cette nuit à enseigner à ses djinns les choses qu'il lui demandait et à les appeler à l'islam. Alayhi salatu wassalam. Et parmi eux qui sont entrés dans l'islam, qui sont connus tels que le djinn de Nasibin. Le djinn de Nasibin. Qu'Allah les agrée tous. Car ce sont des compagnons. Ce sont des compagnons. Et c'est pour ça les savants, tels que Ibn Hajar dans l'Isaba, il les a cités dans la liste des compagnons. Il a cité des djinns dans la liste des compagnons. Et c'est pas le seul. Beaucoup de savants qui ont fait des livres sur les compagnons, ils ont cité les djinns dont les noms nous ont été rapportés, qui sont entrés dans l'islam. Que ce soit dans cette foi, et c'était pas l'unique foi où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rencontré des djinns qui ont cru en lui. Et d'après cette version, pas tous ceux qui ont été présents ont cru, mais il y en a qui ont cru en lui, alayhi salatu wassalam. Sinon, l'autre fois, c'est à son retour, et ça on l'avait vu, à son retour de Taif. Après tout ce qu'il a subi des gens de Taif, à son retour, Allah Azzajal lui a envoyé des djinns qui ont écouté de lui le Coran. Il est resté avec eux plusieurs jours dans un endroit, il leur a enseigné, il les a appelés à l'islam, et ils sont tous repartis prêcheurs chez eux. Car dans le djinn, il n'y a pas de prophète. Mais il y a des douates, des prêcheurs. Parmi les croyants, parmi eux. Le djinn, c'est l'espèce. Comme l'ins, c'est l'espèce. Après, dans le djinn, il y a des shayatines, il y a des mécréants et des muslimines. Shayatin, il y a des savants qui disent c'est tous les mécréants parmi eux. Et d'autres, ils disent que les shayatin sont spécialement la descendance de Iblis. Et c'est les pires d'entre eux. Et ils disent que ceux-là ne peuvent jamais devenir musulmans. Ne peuvent jamais devenir musulmans. C'est un mal pur. Il ne peut pas y avoir du bien en eux. Et ils sont voués à l'enfer éternellement. C'est Iblis et sa descendance. Et par contre, le djinn, ils peuvent croire, malgré que Iblis à la base c'est un djinn. Mais toute sa descendance a été châtiée de cette manière. Par Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa sagesse et sa science, subhanahu wa ta'ala. Et que le djinn, ils peuvent croire. Et parmi eux, il y a les différents courants comme chez les humains, et les différentes tendances comme chez les humains, les différentes sectes. Et il y a les salafiyines qui suivent la sunna, et il y a des histoires qui sont rapportées à ce sujet-là de la part de savants dignes de confiance, même contemporains, tels que Cheikh Najmi rahimallah, où il y avait parmi ses élèves quelqu'un qui l'a intrigué, radiallahu, rahimahullah. Malgré que, à cette époque-là, Cheikh Najmi était devenu non-voyant. Il avait perdu la vue, rahimahullah. Et il a constaté, yani quelque chose de bizarre chez un de ses étudiants. Il a senti, l'anna, il était non-voyant, rahimahullah. Et quand le cours est fini, et quand le cours était fini, il l'a convoqué, il lui a demandé, t'es qui? Il lui a dit, je suis un djinn parmi tes étudiants. Il lui a dit, tu viens d'où? Il lui a dit, je viens de Mecca. Il lui a dit, combien de temps il te faut pour venir de Mecca jusqu'ici? Il lui a dit, comme ça, yani, en un petit laps de temps. Il a fait avec le doigt. Et il lui a dit, est-ce que tu es seul ou tu es accompagné de d'autres élèves? Il a dit, je suis avec d'autres élèves. Et il lui a dit, rahimahullah, de ne pas se montrer et de venir et de profiter comme il veut. Et c'était un salafi. Yani, bien évidemment, il assiste à des cours de Cheikh Najmi, rahimahullah, il profite. Yani, c'est un salafi. Il y a des savants, yani, ils n'assistent à leurs cours que des salafis, tels que c'était Cheikh Najmi, rahimahullah. Parce que c'est des hommes de science qui vont parler dans leurs cours des têtes de l'égarement, et ils vont les nommer et les citer avec leur nom. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas sur la salafia pure et authentique, il ne peut pas patienter dans leurs cours. Il ne peut pas supporter ce qui est dit dans leurs cours. Même s'il aime la science de manière générale. C'est pour ça, ces gens-là, ils assistent à d'autres cours d'hommes de science salafi, alhamdulillah. Mais dans leurs cours, il n'y a pas ces mêmes citations de noms des égarés avec leur nom. Cheikh Najmi, rahimahullah, il était dans le sud de l'Arabie Saoudite, rahimahullah. Donc, mais bien évidemment, il n'y a pas de hukm qui est basé sur ces choses-là. Là, je te dis, c'est un salafi, c'est ce que Cheikh, voilà, mais on s'arrête à ça. Amma, on ne peut pas se baser sur ça pour prouver des jugements. Là, ça peut être un mensonge, bien évidemment. C'est pour ça, il n'y a pas de hukm basé sur ces choses-là. Comme ceux qui disent, on fait ruqya et on est aidé par des djinns muslimines. On leur dit, comment vous savez que c'est des muslimines? Ils ne peuvent pas le prouver. Donc ça peut être des djinns kuffar. Ils disent, ils nous aident que dans le bien. On leur dit, c'est une façon de vous mener graduellement vers l'égarement. Et ça, de toute façon, c'est pas légiféré. Et pour des savants, ça fait partie de l'associationnisme. Mais de toute manière, c'est interdit. Et c'est ça la vie juste chez Al-Sunnah wal-Jama'ah. Le djinn, s'il veut aider, il n'a pas besoin de venir de dire à Raqi, j'aide ou là. Il le fait de son côté, qu'Allah le récompense. Mais dès qu'il y a un lien avec Raqi, il rentre en contact avec lui, il lui montre des choses, tout ça, c'est des points dangereux, desquels il faut se méfier. Que ce soit par Raqi lui-même, qui doit se méfier, ou pour les patients, parce que c'est des signes qui peuvent indiquer que cet homme a des choses yani, qui ne sont pas conformes à la sunna. Et le ruqya, il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé dans le ruqya, ou c'est la référence, ou c'est yani, il a un cabinet. Le ruqya chez Salaf, tous les muslimines peuvent faire le ruqya. Tous les muslimines. Ruqya, c'est réciter le Coran sur un malade avec l'intention qu'Allah le guérisse. Ça, tout musulman peut le faire. Celui qui connaît par cœur, alhamdulillah, celui qui connaît pas le Coran par cœur, il prend le mushaf et il récite sur le malade avec l'intention qu'Allah le guérisse. Est-ce que ça demande des compétences particulières? Mais il y a des gens qui vont croire que ça demande des choses, yani, pour qu'on revienne vers eux. pour l'aspect financier. Ruqya, c'est quelque chose que tous on doit connaître et pratiquer sur nous-mêmes. Nabi Isa sallam, il se faisait ruqya sur lui-même et sur les membres de notre famille. Quand ils sont touchés par une angine, quand ils sont touchés par la fièvre, quand ils sont touchés par le mas, ruqya, c'est pas que pour les maladies liées aux djinns. Ruqya, c'est aussi pour les maladies physiques. Le Coran est un remède contre toutes sortes de maladies. Maladies du cœur et maladies du corps. Et les maladies du corps, c'est les maladies liées à des maux ils disent des mots obscurs ou des mots apparents, des maladies connues. Donc ça c'est par rapport à djinn qui ont entendu le Nabi Issa Salam et qui ont écouté de lui, qui ont suivi l'islam. Et l'imam Ibn Kathir, il dit qu'il nous a été rapporté le récit d'un qui s'appelle Abdullah Samhaj. Et dans sa chaîne de transmission, il y a des choses étranges. Et Jibril alayhi salam est venu au prophète alayhi salam. Il lui a parlé également. Et il est venu avec l'apparence d'un homme, d'un bédouin que les compagnons ne connaissaient pas. Et qu'ils ont vu pour la première fois. Et ça, c'est comme dans Hadith, Jibril, il a interrogé au sujet de l'islam, de la foi, de la bienfaisance et des signes précurseurs de la fin des temps. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé du nombre des muslimines, le nombre des muslimines, quand le prophète alayhi sallam est décédé. Il a rapporté la parole de l'imam Shafi'i. L'imam Ibn Kathir, c'est un savant Shafi'i dans son madhab de base. C'est un savant Shafi'i. Mais vous voyez, c'est un savant Shafi'i. Ça veut dire qu'il a commencé avec le madhab Shafi'i. Après, il suit Dalil. Donc, il n'y a pas de contradiction entre suivre un madhab, une école juridique parmi les quatre, ou autre. Mais les quatre, c'est les plus connus. Mais avant, il y avait d'autres écoles, d'autres imams qui étaient suivis, tels que l'imam Awza'i, l'imam Layth ibn Sa'd, et ainsi de suite. Mais après, c'est ces quatre écoles qui sont restées et qui ont été travaillées et que les gens suivent aujourd'hui, yani sur Terre. Donc c'était un savant Shafi'i à la base. Mais il a eu des savants Hanbali, il a eu des savants Maliki, des Shuyukh, et ça n'empêche pas de suivre le Dalil et de suivre le Haqq partout qu'il soit. Mais l'avantage de le Madhab, c'est uniquement pour le début dans l'apprentissage. On apprend selon une école. Afin d'acquérir les bases. Donc, il a dit, selon l'imam Shafi'i, le prophète, alayhi salatu wasalam, est décédé, et le nombre des muslimines était de 60 000. 30 000 à Médine et 30 000 dans les autres contrées. Makkah et autres. Al-Hafid Abu Zur'a, Ubaydullah ibn Abdul Karim al-Razi, Abu Zur al-Razi, qui est connu avec le nom de Abu Zur al-Razi, qui est parmi les contemporains de l'imam Ahmad et de Abu Hatim al-Razi. Parmi les grands savants et les grands mémorisateurs de cette umma, et les grands savants surtout dans la science de l'jarh wa ta'dil. Lui, il a dit, le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, est décédé alors que le nombre des muslimines était de 100 000 et plus étaient de 100 000 et plus compagnons, ceux qui ont vu le Nabi Issa salam et qui ont entendu de lui. Un autre hafid qui est Abu Abdillah al-Hakim al-Naysaburi a dit, celui qui a le Mustadrak, a dit, il a rapporté du prophète alayhi salatu wassalam 4000 compagnons. Donc c'est ceux qui ont rapporté le hadith de lui et qui a été préservé jusqu'à aujourd'hui. Les compagnons qui ont rapporté les hadiths. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a dit que les imams ont fait des ouvrages dans lesquels on citait la liste des compagnons et pour chaque compagnon, ils ont cité les hadiths qu'il a rapportés. Parmi les savants qui ont fait des ouvrages dans lesquels ils ont parlé des compagnons, c'est l'imam al-Bukhari, rahimahullah. Dans le début de son livre At-Tarikh al-Kabir, et également l'imam Ibn Abi Khaythama parmi les chouyoukhs de l'imam al-Bukhari, et l'hafid Abu Abdillah Ibn Mandah, l'hafid Abu Nu'aym al-Asbahani, l'hafid al-imam Abu Umar Ibn Abdil Barr Al-Andalusi, Al-Qurtubi, qui est de l'Andalus, le grand savant dans le Madhab al-Maliki, et qui est salafi dans son Aqida, et d'autres savants. Ils ont tous fait des livres dans lesquels ils ont cité les noms des compagnons, ils ont cité leur date de naissance, leur date de décès, et quelques informations au sujet de ce sahabi, et après ils ont varié. Leur livre varie dans la longueur de ce qui est cité par rapport à chaque sahabi. Il y en a qui parlent en quelques pages de chaque compagnon, il y en a qui parlent en quelques lignes, plus, moins, selon l'ouvrage et selon l'objectif de l'auteur de ce livre également. Également, Ibn Hazm al-Andalusi al-Zahiri, rahimahullah, il a fait un livre sur les compagnons qu'il a pris du livre du grand imam mémorisateur de l'Andalus qui s'appelle Baqi ibn Makhlad, un élève de l'imam Ahmad. Il a voyagé de l'Andalus vers Bagdad et il a écouté l'imam Ahmad, il a pris de lui directement. Et celui duquel les savants citent une histoire étonnante, plus qu'étonnante, dans l'attachement à la science. Cet homme qui a fait ce grand voyage pour rencontrer l'imam Ahmad et prendre de sa science, il est arrivé à une période où l'imam Ahmad était interdit de citer l'ahadith aux gens d'une manière, ni dans les mosquées, d'une manière publique. Il était interdit de cela par le gouverneur. Et l'imam Ahmad a obéi. Et il restait chez lui. Et l'imam Baqi ibn Makhlad, qui était venu que pour prendre la science de l'imam Ahmad là-bas, il est tombé dans cette période et il était dans cette situation délicate. Il est parti voir l'imam Ahmad chez lui. Il lui a dit qu'il est venu de l'Andalus. Et il a vu comment il était habillé, après tous ses voyages, tout ça. Il lui a dit qu'il était venu que pour prendre le hadith. Et bien évidemment, il ne peut pas rester éloigné de chez lui très très longtemps. Et finalement, l'imam Ahmad lui a dit de venir dans l'apparence d'un mendiant. Chaque jour, il lui donnait une petite sadaqa à manger quand il venait chez lui. Il lui cite un hadith. Et de cette manière, il a fait profiter cet élève très très attaché à la science et il n'a pas désobéi au gouverneur, il est resté chez lui. Jusqu'à ce que cette épreuve a été levée avec l'arrivée d'un autre gouverneur, et que l'imam Ahmad, il a montré à ses étudiants le mérite de cet élève et son attachement à la science. Et le rapprochait de lui dans ses assises. Radiallahu anhu. Donc, ce qu'on retient, c'est que le nombre des musulmans était plus de 100 000. Et c'est ça qui est connu. Était plus de 100 000. Avec la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a commencé le chapitre, yani, qui représente la dernière partie de ce livre, dans lequel il va parler des caractéristiques de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et de ses spécificités. Yani, les caractères distinctifs du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce soit de manière absolue ou par rapport aux membres de sa communauté. Et avant de commencer, l'imam Ibn Kathir, il a expliqué comment les savants avant lui étaient par rapport à ce point. Parmi les premiers qui ont parlé de ce point, c'est l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i, rahimahullah, comme a dit l'imam Ibn Kathir, il a réservé un chapitre dans lequel il a parlé de ce point, à savoir les spécificités du prophète, alayhi salatu wassalam. Il en a cité quelques-unes, que ce soit celles qui sont liées au mariage, ou autre sujet. Mais la plupart des savants, quand ils parlent de ce sujet, en général, ils le lient avec le mariage, parce que les plus importantes sont liées au domaine du mariage. Quand on dit le chapitre du mariage, c'est le mariage, le divorce, le khul', toutes les choses qui sont liées à l'acte de mariage. L'idda, la période de vituité, et ainsi de suite. Et dans les livres de l'fiqh, vous avez toujours un kitab, un chapitre qui s'appelle Kitab al-Nikah. Il a cité le premier avis, qui est l'avis de As-Sayrami, selon Abu Ali ibn Khayran. Il voyait l'interdiction de parler de ce sujet. Et la raison pour laquelle ils interdisaient de parler de ce sujet, ils disaient qu'il n'y a aucun intérêt à citer ces points qui sont spécifiques au prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est une perte de temps et il n'y a aucun intérêt en cela. Abu Amr ibn Salah, quand il a cité cet avis, lui, à son tour, il a dit: tous c'est des Shafi'iyya, bien évidemment. Là, ceux que l'imam Ibn Kathir aborde ici, c'est que des Shafi'iyya. Des savants qui suivent le madhab Shafi'i. Également, Abu Amr ibn Salah, qui a le livre très très connu dans le Mustalah, Mustalah al-Hadith, qui porte son nom, Muqaddimat ibn Salah. Et les savants dans la science de le Mustalah, ils se basent que sur ce livre. Ceux qui sont venus après eux, tous ils se basent sur son livre. C'est le livre que l'imam Ibn Kathir, justement, a résumé. Et ensuite, il a ramené la parole de l'imam al-Haramayn, al-Juwayni. Et lui aussi, son avis... Al-Juwayni, c'est celui qui a le waraqat, dans Usul al-Fiqh. Je vous cite que les livres de ces savants qui sont très connus pour les débutants. Al-Waraqat, celui qui a le waraqat, livre avec lequel on débute dans la science de Usul al-Fiqh. Mais c'est mieux de débuter avec le livre de Sheikh Ibn Uthaymeen, Al-Usul min ilm al-Usul. C'est mieux de débuter avec ce livre. Car il est fait par un savant salafi et il a éloigné de son livre tout ce qui est en lien avec ilm al-kalam. Il est très simple et très facile, très accessible. Donc, le Jouayni, rahimahullah, lui aussi, après avoir cité la divergence au sujet de parler de ce chapitre qui est le khasa'is, khasa'is du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui aussi, il a dit qu'il n'y a pas d'intérêt en cela et que il n'y a pas de fa'ida et qu'il n'y a pas de jugement lié à cela. Et il a dit que pour savoir que ça c'est spécifique au prophète, il faut se baser sur les textes. Et quand il n'y a pas de texte, alors rentrer dans des divergences et dans des opinions, ça c'est une chose dans laquelle il n'y a aucun intérêt. Une chose dans laquelle il n'y a pas d'intérêt. Après, il a cité la parole de Nawawi rahimahullah, qui est également un savant Shafi'i. Nawawi, il a l'arba'in al-Nawawiya. Et il a Riyad Salihin. Nawawi rahimahullah a dit, l'avis juste, c'est que c'est autorisé d'apprendre ce chapitre. Même c'est recommandé. Et celui qui dit que c'est obligatoire, son avis ne sera pas considéré comme quelque chose d'étrange ou de lointaine. Yani, c'est très proche de l'obligation que de la recommandation. Et il a cité la raison pour laquelle il a donné cet avis. Il a dit car l'ignorant, il peut lire certaines ahadiths authentiques dans lesquelles il y a des choses qui sont spécifiques au prophète alayhi salatu wasalam. Et il les met en pratique en voulant prendre le prophète alayhi salatu wasalam comme exemple et modèle. C'est pour ça il est important de connaître les choses qui sont spécifiques à notre prophète alayhi salam et afin de ne pas le suivre dans ces choses-là. Et ça, c'est une grande faïda, c'est un profit immense, il dit, rahimallah. Par contre, dans l'étude de l'Khasa'is, les choses dans lesquelles il y a très peu d'intérêt, sans leur nombre est minime par rapport aux autres. Leur nombre est minime par rapport aux autres. Et même dans ces choses-là, il y a un entraînement de l'étudiant à yani, sur les questions de le fiqh. C'est un entraînement pour le débutant. Donc, de toute manière, c'est un bien, il y a un intérêt, et c'est pour ça il va les aborder. Avant de les aborder, il a dit comment les savants, avant lui, ils ont abordé ces questions de l'Khasa'is. Et il a dit que la plupart des savants, ils n'ont pas tenu en compte les avis de ceux qui ont interdit. Et parmi ceux qui ont cité ces Khasa'is d'une manière très détaillée, parmi les savants Shafi'i, c'est Ibn al-Qas. Dans son livre At-Talkhis, Ibn al-Qas est l'élève de Ibn Surayj, un des plus grands imams dans le madhab Shafi'i. Et Ibn al-Qas est son élève. Il a fait un livre qui s'appelle Talkhis. Et Ibn al-Qas est cheikh de Shafi'iyya à Tabristan. Et après, il est parti vivre à Bagdad. Et il est mort dans la protection des frontières à Tortos ou à Tarassos. Donc il est mort dans Rebat, dans la protection des frontières de l'État islamique. Et ça c'est une forme de jihad, rahimahullah. Après lui, donc Ibn al-Qas, c'est le premier qui s'est étalé dans les caractéristiques du prophète alayhi salam et qui les a citées dans son ouvrage d'une manière très détaillée. Après lui est venu le grand mémorisateur Abu Bakr al-Bayhaqi. Abu Bakr al-Bayhaqi, yani celui qui a fait les ouvrages de l'madhab Shafi'i. Celui qui a travaillé le madhab Shafi'i comme jamais personne ne l'a fait, ni avant lui, ni après lui. Jusqu'à notre époque. C'était un très très grand mémorisateur. Il a fait un livre très précieux qui s'appelle As-Sunan al-Kubra lil-Bayhaqi. Sunan al-Kubra, c'est un livre de plusieurs volumes. Je ne me rappelle pas maintenant le nombre de volumes, mais c'est un livre de beaucoup de volumes. Et dans lequel il cite que les ahadith de l'ahkam. C'est comme Umdat al-Ahkam et Bulugh al-Maram en beaucoup plus grand. C'est-à-dire en plusieurs livres. En plusieurs livres. Il cite l'ahadith et après, il va en parler d'une manière scientifique, à commencer par la science de la chaîne de transmission. Il cite les hommes, chacun ce que les savants ont dit de lui, et après il dit si c'est authentique ou pas. La plupart de son livre est comme ça. Rahimahullah. Et son livre, c'est le plus grand livre dans ce domaine. Il n'y a pas un livre plus grand que le sien. Donc lui, le Hafidh al-Bayhaqi, rahimahullah, il a pris ce que Ibn al-Qas a dit, et il l'a classé, il l'a ordonné, il a cité les arguments, yani, d'une manière excellente. Et ceux qui ont parlé de ce domaine, ils l'ont classé en 4 catégories. La première, ils ont cité dedans les choses qui sont obligatoires pour le prophète alayhi salatu wassalam seul. Et comme exemple, ils vont citer par exemple Qiyam al-Layl. Qiyam al-Layl, dans la vie de la plupart des savants, au début c'était obligatoire pour toute la Ummah. Après c'est devenu obligatoire pour le prophète alayhi salatu wassalam seul et recommandé pour la Ummah. Ensuite, la deuxième partie, ils ont cité ce qui est interdit pour le prophète alayhi salam seul. La troisième, ils ont cité ce qui est autorisé pour le prophète alayhi salam seul, comme le fait d'épouser plus que quatre. Et le quatrième, ils ont cité les mérites qui sont spécifiques au prophète alayhi salam seul. Et dans chaque catégorie, ils vont citer les jugements qui sont liés au mariage ou d'autres sujets. Et lui, rahimahullah, il a vu que c'était meilleur et plus facile et plus accessible de les classer d'une autre manière. Et c'est celle qu'il va faire ici. Il va les classer en deux parties. La première partie, il va citer ce qui est spécifique au prophète alayhi salam et qui est de ses caractéristiques exclusive de manière absolue, c'est-à-dire même comparé aux autres prophètes. C'est des choses avec lesquelles Allah Azza wa Jal l'a spécifié seul de tous les fils de Adam. Et en deuxième partie, il va citer les choses qui sont spécifiques à lui comparées aux membres de sa communauté. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec les choses qui sont spécifiques à lui comparé aux autres prophètes, alayhi salatu wa salam. Bien évidemment, avant de commencer, c'est important de savoir que quand on parle des prophètes, radiyallahu anhu, alayhi salatu wa salam, faut faire très très attention. C'est un sujet extrêmement sensible dans lequel il faut parler avec les dalils et les arguments. Et il faut choisir ces termes. Et le mieux, c'est de se limiter aux termes qui sont rapportés dans les textes, afin d'éviter les erreurs. Car tu ne parles pas de n'importe qui. Tu parles de l'élite d'Allah Azza wa Jal parmi les fils de Adam, les prophètes qu'il a choisis pour transmettre ses messages. Alayhi salatu wa salam. Donc c'est un sujet qu'il faut traiter avec science et qu'il faut aborder avec science et le mieux, c'est de se limiter, même dans les termes, à ce qui est rapporté dans les textes, afin d'éviter les erreurs. Car on peut utiliser un terme qui laisse entendre un mauvais sens, sans le vouloir. Car vouloir le mal, c'est une forme de mécréance. Mais on parle ni des erreurs inintentionnelles. C'est pour ça qu'il faut faire très très attention, que ce soit le domaine des prophètes, alayhi salatu wa salam, et messagers, ou le domaine des compagnons, radiyallahu anhum. Aussi dans lequel il faut faire attention et choisir ses termes, et parler avec précaution. Et ne pas parler d'eux comme tu parles de tes amis, ou des choses comme ça. Et ensuite vient le degré des savants aussi, vis-à-vis desquels il faut choisir ses termes et faire attention à utiliser un terme qui laisse entendre un mal vis-à-vis d'un savant parmi les savants de Al-Sunnah wal-Jama'a, nous savants salafiyyin. Et même les égarés, les innovateurs, c'est pas parce que c'est un innovateur que tu te permets de dire de lui tout ce qui te passe par la tête. Al-Sunnah wal-Jama'a sont justes. Quand il parle d'un égaré, il parle de son égarement pour mettre en garde la Umma contre lui. C'est pour ça, s'il est oublié, ils vont pas parler de lui, s'il est oublié. Comme disaient les imams de Salaf. Et ils vont parler de mettre en garde quand la personne a une da'wah, représente un danger, égare des gens, des choses comme ça. Mais quelqu'un qui a été oublié par la Umma et que personne ne connaît, il n'a pas laissé d'héritage derrière lui, des livres qui sont étudiés ou des choses comme ça, il le laisse dans l'oubli. Et son affaire est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Al-Sunnah wal-Jama'a, quand il parle des égarés, des innovateurs, il ne parle jamais de leur sort auprès d'Allah. Ça, c'est entre les mains d'Allah. Mais on parle de leur égarement dans le dunya afin de mettre en garde les gens. Après, Allah, il peut leur pardonner. Ça, c'est les affaires d'Allah dans lesquelles on ne rentre pas. Mais on appelle un égarement égarement et on met en garde contre cet égarement les gens et contre cet homme-là qui a propagé cet égarement. Et son affaire est entre les mains d'Allah. C'est pour ça, parmi les imams, Yahya ibn Ma'in, rahimahullah, il a dit, inna la nat'anu ala aqwamin, la'allahum wada'u rihalahum fil janna min mi'at as-sinin, ou comme قال رحمه الله. Nous critiquons des gens, alors peut-être qu'ils sont au paradis depuis des centaines d'années. Donc on parle pas de l'hukm al-ukhrawi. L'hukm al-ukhrawi, c'est entre les mains d'Allah. Le jugement dans l'au-delà, c'est entre les mains d'Allah. Le kafir sera éternisé en enfer. Et le musulman, sa destination finale, c'est le paradis. Et on attribue le paradis à quelqu'un ou l'enfer que quand il y a un dalil, un texte le concernant. Mais nous, on parle du jugement dans dunya. Quelqu'un qui est mort mécréant, on lui applique les règles des mécréants. Et quelqu'un qui est mort d'apparence musulmane, on lui applique les règles de l'islam et du musulman. Après, son sort est entre les mains d'Allah. Même celui qu'on pense musulman dans l'apparence, peut-être qu'il est mécréant auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il avait du shirk dans son cœur. Wal'iyadu billah. Donc comprenez bien ce point. Quand on parle des gens, on parle de leur jugement dans dunya. Et on ne parle pas de leur jugement dans l'akhira. Car un mécréant, je vous cite un exemple, un mécréant pour nous, qui est décédé, on ne connaît pas son islam. Alors, c'est un mécréant. On ne va pas lui faire le lavage ou des choses comme ça. On se comporte avec lui comme on se comporte avec un musulman. On ne l'enterre pas dans le cimetière des musulmines. On l'enterre pas du tout. Si il fait du mal, on lui creuse un trou et on le met dedans. Afin d'épargner les gens vivants de l'odeur puante de son cadavre. Mais il y a cette hypothèse et cette probabilité que cet homme, il est entré dans l'islam dans les dernières minutes dans sa vie. Mais ça ne concerne pas nous. On n'a pas été chargé de ces choses-là. Nous, on juge les gens selon leur apparence. Celui qu'on connaît, sur lequel on connaît l'islam d'apparence, c'est un musulman. Celui qui est mécréant d'apparence, c'est un mécréant pour nous. Et après, son sort est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, par rapport à ce qui est spécifique à notre prophète, alayhi sallam, l'imam ibn Kathir, rahimahullah, a commencé par les 5 spécificités du prophète, alayhi sallatou wassalam, comparé à tous les autres prophètes. Et, yani, je me suis rappelé pourquoi, yani, j'ai commencé ce point. Parce que je voulais dire que quand on cite les mérites du prophète Aïssa al-Salam comparé aux autres prophètes, ça ne comporte pas du tout une diminution du rang des autres prophètes. Parce que ça, c'est un mérite dans la perfection, comme les savants disent. Tafadulun fil kamal. Allah Azza wa Jal a accordé à un prophète un degré supérieur dans un mérite que les autres prophètes, alayhi mussalatu wassalam. C'est ça la signification de ces mérites. Mais ça n'implique pas une diminution du rang des autres prophètes. Donc les 5 avec lesquels a commencé l'imam ibn Kathir, c'est ce qui est rapporté dans les 2 authentiques selon Jabir ibn Abdillah, rahimahullah, radiyallahu anhu. Le messager d'Allah, alayhi sallatou wassalam, a dit, il m'a été donné 5 que aucun prophète n'a eu avant moi. Et aucun prophète n'aura après lui, parce qu'il est le dernier des prophètes. La première, et après l'imam ibn Kathir, il va détailler chacune. La première, Allah Azza wa Jal l'a soutenu, l'a fait triompher sur ses ennemis avec la peur qu'il jette dans le cœur de ses ennemis à une distance d'un mois. Et on va voir la signification. La deuxième, c'est qu'Allah Azza wa Jal a fait pour lui de la terre un lieu de prière et de purification. Et que chaque homme de sa communauté, quand c'est l'heure de la salat, il peut prier à l'endroit où il se trouve et se purifier à l'endroit où il se trouve. S'il a de l'eau, il utilise l'eau. S'il n'a pas d'eau, il utilise la terre. Il prie là où il est. Et ça, c'est parmi les choses qui sont spécifiques à notre prophète, alayhi sallatou wassalam. Avant, il ne priait que dans des lieux de prière. Et la troisième, Allah Azza wa Jal lui a autorisé les butins de guerre, alors qu'avant ce n'était pas autorisé. Il les rassemblait et Allah envoie un feu qui les brûle. Et la première communauté dans laquelle ceci a été autorisé, c'est notre communauté. Et ça n'a jamais été autorisé pour un prophète avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La quatrième, Allah Azza wa Jal lui a donné l'intercession. Et on va voir laquelle des intercessions qui est spécifique à lui et qui ne se doit même pas à un autre prophète. Et on va voir également qu'il y a des intercessions qui sont communes entre lui et ses autres frères parmi les prophètes et d'autres qui sont également partagées même par les anges et les croyants. Et la cinquième et la dernière qui est citée dans ce hadith, parmi les spécificités de notre prophète comparé aux autres prophètes, alayhi salatu wassalam, la cinquième, c'est que le prophète avant lui était envoyé dans son peuple uniquement et que lui a été envoyé pour toute l'humanité, les djinns et les ins, les humains et les djinns. Donc la première, Allah Azza wa Jal l'a fait triompher avec la peur qu'il jette dans le cœur de ses ennemis à une distance d'un mois. C'est-à-dire quand il voulait conquérir une contrée ou une ville ou un pays, avant d'arriver à eux à une distance d'un mois, la distance qui est parcourue en un mois, c'est-à-dire 40 km multiplié par 30, ça fait 1200 km. C'est-à-dire avant d'arriver, quand il veut attaquer un endroit se trouvant à 1200 km, la peur s'installe dans leur cœur et la frayeur. Et ceci n'était valable pour personne avant lui, alayhi salatu wassalam. Et ce qui a été rapporté dans l'authentique de l'imam muslim, dans l'histoire de la descente de Isa alayhi salam du ciel vers la terre, vers la fin des temps, que son souffle, le souffle de Isa alayhi salam, le souffle, yani, c'est l'air qu'il respire, sa respiration, son souffle. Chaque kafir qui est atteint par le souffle de Isa alayhi salam, il décède instantanément. Et son souffle, il arrivait à l'endroit où arrive son regard, alayhi salam. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam muslim par rapport à Isa alayhi salam quand il va descendre sur terre. Ça, c'est par rapport à Isa alayhi salam après sa descente sur terre. Et si on suppose que, donc, si c'est après sa descente sur terre, donc il est comme un membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car quand il va descendre vers la fin des temps, il descendra comme un membre de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il ne descendra pas avec une autre législation ou avec la sienne, mais il va juger avec la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est un mérite d'un membre de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais ceci était valable pour Isa alayhi sallam, même avant, si on suppose. Donc ça, c'est la première hypothèse. Que cette caractéristique sera donnée à Isa alayhi salam quand il va descendre sur terre. Et ça, c'est le sens apparent du hadith. Quand il va descendre sur terre, qu'Allah Azza wa Jalla lui donnera cela. Et si on suppose que ça, Isa alayhi salam, il l'a toujours eu. Avant qu'Allah l'élève vers le ciel. À ce moment-là, on dira que cette caractéristique est différente de celle qui a été accordée à notre prophète alayhi salatu wa salam. C'est pas la même chose. Et si c'est après sa descente, c'est un mérite d'un membre de la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le deuxième point, la deuxième spécificité et caractéristique exclusive à notre prophète alayhi salatu wa salam, comparé aux autres prophètes alayhi salam, c'est que Allah Azza wa Jalla a fait de la terre pour lui un lieu de prière et de purification. Et la signification de ça, comme ça a été rapporté par l'imam Ahmad dans le Musnad, que les communautés des prophètes d'avant, y priaient dans leur demeure. Ils ne priaient pas dans leur lieu de résidence. Ils ne priaient pas dans leur lieu de résidence, mais ils priaient dans leur lieu de culte. Les églises, les cathédrales, des choses comme ça. Les synagogues, ils priaient dans les lieux qui étaient construits exclusivement pour la salat. Mais ils ne priaient pas chez eux. Et ils ne priaient pas partout. Ils priaient uniquement dans ces endroits-là. Donc vous réalisez la facilité qu'on a dans cette législation de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu voyages, tu ne te soucies point de ta salat. Partout où tu es, c'est l'heure de la prière, tu pries. Tu te purifies selon ta situation et tu pries sur toute la terre. Et quand on dit toute la terre, sauf les choses qui ont été exclues, tels que les lieux de poubelle, tels que les lieux dans lesquels on se lave, les lieux dans lesquels on fait nos besoins, et les lieux dans lesquels il y a des impuretés. Mais sinon, tu pries partout sur terre. Et la terre, le deuxième point, purification, c'est-à-dire qu'on fait les ablutions sèches partout où on soit. Et ceci n'était pas légiféré dans les communautés d'avant. Ça a été légiféré uniquement dans la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la cause, c'était notre mère, Aïcha radiallahu anha, comme on a vu dans l'histoire de la calomnie. C'était elle la cause de la législation de Tayammum. Aïcha radiallahu anha. Le troisième, wa uhillat li al-ghanaim. Les butins m'ont été autorisés, car les gens d'avant nous, quand ils faisaient un combat contre leurs ennemis et qu'ils prenaient des butins, ils ne se les partageaient pas, mais ils les rassemblaient à un endroit et Allah envoie un feu du ciel qui les brûle. Et la quatrième et l'avant-dernière dans ce hadith, وَأَعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ. Allah Azza wa Jalla lui a donné l'intercession. Ce qu'il veut, alayhi salatu wassalam, ici par l'intercession, c'est la grande intercession. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné ce maqam mahmoud, ce rang louable, extrêmement élevé, ce statut très très élevé qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné, sur lequel il sera envié par les premiers et les derniers. La bonne envie et la bonne jalousie, c'est-à-dire souhaiter bénéficier de ce même bienfait sans pour autant souhaiter que l'autre le perde. Et c'est ça le hasad, l'envie. L'envie, l'envieux, c'est celui qui souhaite la disparition des bienfaits sur son frère, de son frère. C'est celui qui souhaite la disparition des bienfaits de son frère, wal'iyadu billah. Ça, c'est les cœurs malades, qu'Allah nous en préserve. Ceux qui s'opposent à la volonté d'Allah. Allah, il veut lui donner, lui, il veut pas qu'Allah lui donne à son frère. Réjouis-toi de voir les bienfaits sur ton frère. Et demande à Allah de ses bienfaits. Demande à Allah de ses bienfaits. Et la bonne envie, c'est dans les choses de religion, et non pas dans les choses de dunya. Même ça, c'est un niveau bas, malgré que c'est autorisé. Tu demandes à Allah les bienfaits de dunya. Tu vois ton frère, il a une belle voiture, tu veux une belle voiture. Ça, c'est très bas. La bonne envie et la bonne jalousie, c'est dans le Coran. Tu vois quelqu'un qui mémorise le Coran par cœur. Il le récite quand il veut. Il conduit, il récite. Il est assis, il récite. Il est debout, il récite. Il fait ses courses, il récite. Ça, c'est quelque chose qu'on doit souhaiter et demander à Allah de nous l'accorder. Les gens dorment de nuit, lui, il est levé et prie. Ça, c'est quelque chose qu'on est en droit de souhaiter. Tout en aimant qu'Allah garde ce bienfait pour le frère sur lequel on le voit. Et également l'ilm, la science. L'ilm, le Coran. Et la deuxième, c'est l'argent halal. de voir ton frère à qui Allah a donné beaucoup de biens halal, il les dépense fi sabilillah. Ça, c'est aussi une chose qui est légiférée de souhaiter et de vouloir et d'aimer. Et c'est recommandé, c'est demandé de se concurrencer dans ces choses-là. Mais par contre, les choses de dunya, des voitures, des choses comme ça, c'est bas, malgré que c'est autorisé. Et quand la volonté de l'être humain devient élevée et forte, il ne souhaite pas des choses de dunya comme ça. Mais il souhaite les choses qui le rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous ne trouvez pas dans les du'as de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un seul du'a, qu'il demande une chose de dunya pure. Et notez bien, pure. Car ou bien il demande une chose de l'akhira, ou il demande une chose de dunya qui est dans l'akhira. Il n'y a pas une chose qui est demandée de dunya pour dunya. Dans toutes les invocations du prophète alayhi salam. Salam. Et le Hanabila, dans leur madhab, ils voient que c'est pas autorisé de demander quelque chose de dunya dans ce salat. Ils voient que c'est pas autorisé et que ça arrive à annuler la salat. La vie juste, c'est que c'est autorisé même dans la salat. Mais quand Al-himma ta'lu, tu ne demanderas pas ces choses-là. Qu'Allah fasse qu'on soit comme ça. Parce que dunya, yahi, quand tu médites dunya, c'est quoi cette dunya? Dunya, depuis son début jusqu'à sa fin. Depuis son début jusqu'à sa fin, elle ne vaut pas l'aile d'une mouche auprès d'Allah. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir de dunya, toi? Combien d'années a duré cette dunya et combien elle va durer? Combien tu vas vivre de cette période? Qu'est-ce que ça représente? Et qu'est-ce que tu vas obtenir de dunya dans cette petite période qui est insignifiante par rapport à sa durée? Et en plus, ça risque de te faire perdre l'éternité. Ça risque de te faire perdre pour l'éternité les bienfaits éternels d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont au paradis. C'est pour ça que dunya, pour les savants, c'est comme disait Cheikh l'Islam Taymi rahimahullah, dunya, c'est comme les lieux dans lesquels tu fais tes besoins. Dunya, c'est comme des toilettes. Azzakumullah. Tu vas y aller parce qu'il y a un besoin, parce qu'il y a une nécessité. Et dès que tu finis tes besoins, tu te hâtes à sortir, et non pas comme font certains, comme le kuffar, qui ont des magazines, ils parfument les toilettes, ils restent là-bas, pour passer des fois, des heures. Les toilettes, c'est un lieu de shayatin. Pour ça, il était légiféré de dire avant de mettre ton pied, d'entrer dans les toilettes avec le pied gauche, déjà tu rentres avec le pied gauche. Et tu rentres pas avec le pied droit. Tu sors avec le pied droit. Alhamdulillah, Allah il t'a sauvé. Tu rentres avec le pied gauche et tu dis « A'udhu billahi min al-khubuthi wal-khaba'if ». Tu cherches refuge auprès d'Allah contre le mal des shayatin, mâles et femelles. Parce que c'est leur lieu. C'est un endroit dans lequel on n'évoque pas Allah. Donc c'est un endroit dans lequel tu vas rester. Si tu peux passer, si 30 secondes ça te suffit, ne reste pas 31 secondes. Si une minute te suffit, ne reste pas 2 minutes. Dunya, c'est comme ça. Faut y aller pour prendre ta suffisance. Pour ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait du'a pour les membres de sa famille. Il a dit, Allahumma ja'al quta ali Muhammadin Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ou Allah fait que rizq, la subsistance de la famille de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit une subsistance qui se consomme au jour le jour. Al-qout ma yutaqawwatu bihi wa la yuddakhar. Ce qu'on stocke pas. Maintenant, tu nous trouves, aujourd'hui, les gens, ils ont des stocks de une année dans leur frigo, dans leur congélateur. Et tout ça, c'est l'attachement à la dunya. Donc, Allah Azza wa Jalla a donné à notre prophète, alayhi salallahu alayhi wa sallam, l'intercession, et il veut dire par l'intercession, la grande intercession, la plus importante de toutes les intercessions qui ont eu lieu, qui auront lieu le jour de la rétribution, le jour du jugement dernier. Après la longue attente sur la terre du rassemblement, où le soleil arrivera, et il sera de l'un d'entre nous à une distance de quelques centimètres, et où les gens vont transpirer, ils vont suer jusqu'à être baignés dans leur sueur, chacun à son niveau. Chacun selon son niveau, où ces sept catégories de personnes seront sous l'ombre du trône d'Allah, préservées de la chaleur du soleil. Et ça sera les seuls ce jour-là. Sept catégories de gens. Et non pas sept personnes, mais sept catégories de personnes. Dans cette attente, où les gens ne savent pas leur sort. Ils voient le paradis, ils voient l'enfer, mais ils savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Et ils vont souffrir de cette attente jusqu'à venir chez les cinq messagers parmi Ani Ulil Azm. Ils vont venir chez Ulil Azm parmi les messagers, les plus déterminés d'entre les messagers. Et ils vont commencer par Adam alayhi salam. Il va s'excuser, il va les renvoyer vers Nuh alayhi salam, qui va s'excuser, il va les renvoyer vers Ibrahim alayhi salam, il va s'excuser, les renvoyer vers Moussa alayhi salam, qui va s'excuser, les renvoyer vers Isa alayhi salam, lui aussi s'excusera, sans citer de défaut, sans citer d'erreur, sans citer de péché, il va les renvoyer à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va dire ana laha, ana laha, et il va intercéder en faveur des gens auprès d'Allah azza wa jal. Il va venir devant le trône d'Allah, il va se prosterner longtemps, et il va louer Allah d'une manière qu'il ne connaît pas dans le dunya. Et qu'Allah Azza wa Jalla lui enseignera ce jour-là. Il va le louer longtemps, longtemps, jusqu'à ce qu'Allah Subhanahu wa Jalla lui dira, ô Muhammad, lève ta tête et demande tu seras exaucé et intercède, ton intercession sera acceptée. Il va demander à Allah de commencer le jugement. Tout ça, c'est pour commencer le jugement. Et pour s'imaginer la difficulté de cette scène, rappelle-toi quand tu es dans l'attente d'un résultat, même d'un examen de dunya qui n'a pas de valeur, le baccalauréat ou des choses comme ça. Était dans l'attente des résultats. Et comment c'est difficile, tu brûles presque. Et tu peux arriver à préférer connaître le résultat, même si c'est l'échec, et ne pas patienter une heure de plus. Que dire de là? Les gens vont savoir leur sort éternel et définitif. C'est pas 1 million ou 1 milliard ou 1 milliard, 2 milliards d'années. C'est l'éternité. Paradis ou enfer. De manière générale. Quand on dit éternité, paradis ou enfer, bien évidemment, il y a des gens qui vont aller en enfer, être châtiés proportionnellement à leur péché et ensuite aller au paradis. Donc pour eux, c'est aussi l'éternité au paradis. Car le paradis, c'est la demeure des mouahidin. Et l'enfer, c'est la demeure des mouchriquin et des mécréants, des associatres et des mécréants. Donc l'intercession, cette intercession en particulier, est une intercession spécifique à notre prophète, alayhi salatu wassalam, et il ne la partage avec lui aucun autre prophète, ni aucun être humain, comme ceci est rapporté dans les deux authentiques et dans les livres de la Sunna, de manière générale. Voilà par rapport à l'intercession de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, l'imam Ibn Kathir a parlé de différentes intercessions. Où on va les finir aujourd'hui? On va finir les intercessions, comme ça on commence avec la cinquième, le cours prochain, bi'idnillah. Donc les intercessions, ça c'est la plus grande et la plus importante de toutes les intercessions. Mais après celle-là, il y aura d'autres intercessions qui vont être pour notre prophète, alayhi salatu wassalam. Et par contre, les autres, yani, elles seront accordées également aux autres prophètes, chacun par rapport à sa communauté. Et elles seront accordées, d'autres intercessions, également accordées aux anges. Et même il y a des intercessions qui sont accordées aux croyants, entre eux. Les croyants également intercèdent. L'intercession, c'est un mérite qu'Allah accorde à celui qui intercède, pour montrer son mérite. Et c'est une faveur qui est faite à celui à qui ça profitera, l'intercession, de la part d'Allah. De la part d'Allah. C'est pour ça que personne n'intercédera qu'avec la permission d'Allah, même le prophète, alayhi salatu wassalam, comme je l'ai cité précédemment. Il restera prosterné jusqu'à ce qu'Allah, je lui autorise de lever sa tête et d'intercéder. Sinon, il ne peut pas intercéder de lui-même. Il n'intercédera que celui à qui Allah le permettra. C'est pour ça que tu ne peux pas demander à quelqu'un yani, et croire que de toute façon, il va intercéder. Même le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort, on ne dit pas, on ne fait pas dua. Ô messager d'Allah, intercède en ma faveur. On dit, oh Allah, fais intercéder en ma faveur ton prophète, alayhi salatu wassalam. Mais pendant son vivant, on pouvait lui demander. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il va intercéder. Comme ceci est rapporté dans les textes. Mais qu'est-ce que t'en sais que un tel ou un tel va intercéder? Mais tu peux mettre aux conditions. Si Allah te permet d'intercéder, intercède en ma faveur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, après sa mort, comme j'ai dit, on ne dit pas au messager d'Allah, on ne s'adresse pas à lui. Mais pendant son vivant, on pouvait lui demander d'intercéder en notre faveur. Car Allah nous a informé qu'il va intercéder dans les textes. Et si lui, il veut intercéder en ta faveur, il ne pourra le faire qu'avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toute l'intercession, en réalité, ça revient à Allah. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا. Dis, c'est à Allah qu'appartient l'intercession tout entière. Elle est entre les mains d'Allah. L'intercesseur, il ne possède rien pour toi, même si c'est un mouahid. Il ne peut intercéder qu'avec la permission d'Allah, il ne peut intercéder en faveur de quelqu'un qu'avec l'autorisation d'Allah. Tout est entre les mains d'Allah. Ça, c'est tawhid, mes frères et sœurs. Donc, après cette grande intercession, la plus importante, qui est spécifique à notre prophète, alayhi sallam, et qui représente le maqam al-mahmoud, le rang louable de notre prophète, alayhi sallam, après, il y aura d'autres intercessions, comme l'intercession en faveur des gens qui sont morts avec des grands péchés. Et comme l'intercession en faveur des pécheurs de manière générale. Chaque prophète intercédera en faveur des pécheurs de sa communauté. Et également les croyants, comme ceci est rapporté dans les deux authentiques, selon Abu Huraira et Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhuma, Allah Azza wa Jalla dira dans le hadith al-Qudusi, le hadith divin, les anges ont intercédé, les prophètes ont intercédé, les croyants ont intercédé, et il ne reste que l'intercession du plus miséricordieux de tous les miséricordieux, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la dernière intercession qui aura lieu, suite à laquelle sortira de l'enfer tout mouahid. Il ne restera en enfer que les gens qui sont voués éternellement à l'enfer, wal'iyad billah, qu'Allah nous en préserve. L'imam Ibn Khuzayma, dans son livre Kitab al-Tawhid, a cité les différentes intercessions qui auront lieu le jour du jugement dernier. Et également l'imam Abu Bakr ibn Abi Asim, dans son livre La Sunna, As-Sunna ibn Abi Asim, qui a été étudié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Ce livre a été travaillé par Cheikh Al-Albani. Et également, il dit, rahimahullah, que les différentes catégories de shafa'a, de l'intercession, sont citées dans hadith as-sur, le soufflet dans le corps, où il y en a qui disent la trompe. Ceci est rapporté par Tabarani, rahimahullah, dans le Mutawwalat, un livre dans lequel il a cité les hadiths très longs. Et celui-là en fait partie, qui est connu aussi avec le nom de hadith shafa'a. Et d'autres savants, tels que Walid ibn Muslim, il a fait un livre dans lequel il a rapporté toutes les narrations de ce hadith, hadith shafa'a. Et l'imam al-Bukhari également, dans son authentique, il a cité des hadiths concernant la grande shafa'a de notre prophète, alayhi salatu wassalam, la plus importante de toutes les intercessions. Dans son authentique, dans le livre de la zakat, le chapitre qu'il a intitulé « Babu man sa'ala an-nasa takathura », chapitre de celui qui demande aux gens sans être dans le besoin. Et dans le hadith, « Man sa'ala an-nasa takathura » man sa'ala an-nasa takathura » فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرًا. Celui qui demande aux gens sans être dans le besoin, en réalité, il leur demande des braises du feu. Des braises du feu. وَالْعِيَذُ بِاللَّهِ. Selon Abdullah ibn Amr, le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ. L'homme ne cesse de demander aux gens, c'est-à-dire sans être dans le besoin, jusqu'à venir le jour du jugement dernier, sans avoir un morceau de chair dans son visage. Et il a dit, إِنَّ الشَّمْسَ تَدْنُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى تَبْلُغَ الْعَرَقُ أَوْ حَتَّى يَبْلُغَ الْعَرَقُ نِصْفَ الْأُذُنِ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Le soleil ne cessera de s'approcher des gens le jour du jugement dernier, jusqu'à ce que la sueur de la personne arrive à la moitié de son oreille. Et tant qu'ils sont dans cette situation, ils demanderont secours à Adam, ensuite Moussa, ensuite Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Dans d'autres hadiths, ils demanderont à Adam, ensuite Nuh, ensuite Ibrahim, ensuite Moussa, ensuite Isa, ensuite Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Les cinq parmi Ulil Azm. Ils demanderont secours, c'est-à-dire ils demanderont leur intercession auprès d'Allah. Et comme vous savez, l'istighatha, demander secours à une créature, est autorisé. La base, c'est que l'istighatha est une adoration qui ne se doit qu'à Allah. Mais on peut demander secours à une créature dans une chose dont elle est capable, et qu'elle soit présente, vivante, et qu'on croit que c'est une simple cause. On demande à une créature l'aide et le soutien et le secours dans une chose dont elle est capable. Ça, c'est la première chose. On lui demande pas le paradis, ni de nous préserver de l'enfer, ni de nous pardonner nos péchés. On lui demande une chose dont elle est capable. Tu te noies, tu vois quelqu'un qui sait nager, tu l'appelles pour te secourir. Donc capable, présent, on ne demande pas un absent tel que le djinn, vivant, on ne demande pas un mort dans sa tombe, même si tu es devant sa tombe, il est présent, mais il est mort. Donc on demande à quelqu'un qui est capable, présent, vivant, et en plus de tout ça, on croit que c'est une simple cause, c'est Allah qui va te secourir, et lui ce n'est qu'une cause. Et il va pas te secourir par lui-même. C'est pas parce qu'il veut te secourir qu'il va y arriver. Même si c'est le meilleur des nageurs, tu peux te noyer avant qu'il arrive. Donc, les gens et les créatures, ce ne sont que des causes. Et ce que j'ai dit ici, c'est valable pour l'isti'ana, pour l'istighatha. Pour Shafa'a. Et pour Dua. L'isti'ana, l'isti'atha, l'isti'adha, ou Shafa'a. Quatre. Les quatre, c'est demander de l'aide, demander secours, demander intercession, chercher refuge. Ça, c'est les quatre sont valables pour une créature quand les quatre conditions sont vérifiées. Capable, présent, vivant, cause. Et c'est ça la shafa'a par laquelle est spécifié notre prophète alayhi salatu wassalam. Tous les prophètes parmi les cinq, ils vont, les quatre parmi les cinq, ils vont refuser jusqu'à ce que ça arrive à Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Il intercédera comme je vous ai décrit précédemment. Parmi les intercessions, c'est faire sortir des gens qui sont entrés en enfer, intercéder auprès d'Allah pour les faire sortir. D'autres gens qui sont voués à l'enfer, et parmi le mouahidin, shafa'a n'est valable que pour le mouahidin. Il n'y a qu'une seule shafa'a qui va avoir lieu et qui profitera un mushrik et qui ne va pas le sauver de l'enfer et qui va pas le sauver de l'éternité en enfer. Elle va uniquement être une cause d'allègement de son châtiment dans le feu de l'enfer en y restant éternellement. C'est l'intercession de notre prophète alayhi salam en faveur de son oncle Abu Talib. Sinon, il n'y a aucune shafa'a dans l'akhira en faveur d'un mushrik. Shafa'a ne peut avoir lieu que d'un mouahid vis-à-vis d'un mouahid, excepté celle-là. Et il est également le premier qui intercédera pour l'ouverture de la porte du paradis et pour l'entrée au paradis. Il est le premier, alayhi salatu wassalam, comme ceci est rapporté dans le hadith authentique, et il intercédera pour élever des gens dans les degrés du paradis. Ils ont mérité un degré, et avec son intercession, Allah Azzajal va les placer à un degré plus élevé. Comme il a intercédé en faveur de Abu Amir, l'oncle de Abu Musa al-Ash'ari, après avoir été tué dans la bataille de Awtas, après Hunayn, et qu'il avait combattu d'une manière exceptionnelle, Nabi Isa salam a intercédé auprès d'Allah en sa faveur, pour qu'Allah élève ses degrés dans le paradis. Et également, il l'a fait pour son frère d'allaitement, Abu Salama, Ibn Abd al-Asad. Il a dit, oh Allah, élève son degré. Pour Abu Amir, il a dit, oh Allah, pardonne à Ubayd Abu Amir et fais que son degré, le jour du jugement dernier, soit plus élevé que beaucoup de tes créatures. Et de toute manière, l'imam Ibn Kathir il dit que ça, c'est Anis Shafa à les intercessions. Ils vont en parler plus en détail dans ce qui va venir, dans les spécificités du prophète alayhi sallam par rapport aux membres de sa communauté. Ensuite, il a cité le dernier point dans ces cinq points cités dans le hadith de Jabir, c'est qu'il a été envoyé à toute l'humanité, le djinn et l'ins. Il a été envoyé aux deux mondes, le monde de l'djinn et le monde de l'ins. Les humains et les djinns, alors que les prophètes et les messagers avant lui, chacun était envoyé seulement dans son peuple. Dans son peuple. Et par rapport à ça, il y a beaucoup de hadith. Inch'Allah, nous allons parler de ce point dans le cours précédent et finir ce qui reste de ce chapitre. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alameen. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته